bon, en plus, je suis trop dure avec toi. En vrai, tu le fais très bien. Oui, voilà. Je suis trop dure avec toi, Tony. Il faudrait que je sois un peu plus. Un peu plus. Il faut que je lâche du zèle. Non, comment, c'est quoi l'expression? Lâcher du sel? Non, je ne sais plus.